Science CQFD, Natacha Trioux. Mieux que les JO 2024, l'année de la physique 2024. Pour l'occasion, on vous a préparé une semaine entièrement quantique. Hier, nous parlions de cette révolution scientifique. Aujourd'hui, à quel point le quantique est aussi une révolution technologique. Il y a quasiment un siècle, en 1925, Planck, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Dirac et Bohr initiaient et formalisaient la mécanique quantique. Leurs équations ont façonné le monde d'aujourd'hui. La première révolution quantique est à la base de toute l'électronique moderne. Depuis les années 80, la recherche entame une seconde révolution quantique. Quelles sont ses promesses et à quel point pourrait-elle bouleverser notre société ? L'innovation roule des mécaniques quantiques. Pascal Sénélard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie, cofondatrice et conseillère scientifique de la start-up Candela et membre de l'Académie des sciences. En duplex de Grenoble, bonjour Tristan Meunier. Bonjour. Vous êtes physicien, chercheur CNRS dans l'équipe circuits électroniques quantiques à l'Institut Nel à Grenoble et directeur technologique et cofondateur de la start-up Qobly. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires. C'est maintenant sur notre fil @CQFD. Comment la physique la plus abstraite, fondamentale, a pu accoucher de nouvelles technologies ? Quelles sont les prouesses technologiques issues de la première révolution quantique ? Et quelles sont celles que l'on peut attendre avec la deuxième révolution quantique en cours ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec l'un de ces acteurs majeurs, le prix Nobel de physique 2022, Alain Aspect. C'est notre archive du jour. Quelques décennies plus tard, on va avoir une révolution technologique basée sur la dualité en deux particules qui va avoir des applications sur des produits de masse. On va inventer le laser en 1947, dont vous vous rappelez, hein, les premières idées de mécanique quantique début du siècle. 1925, l'équation de Schrödinger, 1930, Dirac, on commence vraiment à comprendre à fond la théorie. 1947, le premier transistor. Ensuite, les circuits intégrés, il faut bien au moins 10 ans ou 15 ans, parce que les circuits intégrés, c'est beaucoup de transistors sur une même puce. Hein. C'est à la base des ordinateurs. Et puis, par ailleurs, en 1960, on invente le laser, et sans laser, vous n'avez pas d'autoroute de l'information avec des fibres optiques. Vous ne pouvez pas faire passer la lumière ordinaire dans les fibres optiques. Il faut vraiment avoir des lasers pour envoyer l'information dans les fibres optiques. Donc, on invente de nouveaux composants, ce qui nous donne la société de l'information et de la communication, dont on peut, je crois, honnêtement dire que c'est une révolution sociétale aussi importante que celle qui a été due à la machine à vapeur au XIXe siècle. Donc, je reprends les trois adjectifs. La révolution, elle est d'abord conceptuelle, puis scientifique, puis technologique, et on se posera la question, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes qualificatifs à la deuxième révolution quantique ? Voilà, Alain Aspect, lors d'une conférence à l'Institut d'astrophysique de Paris en 2023, Pascal Sénélard, on ne s'en rend pas forcément compte, mais sans cette première révolution quantique, on vivrait dans un monde complètement différent. Oui, complètement différent. Alain Aspect revient sur ce qu'il appelle la dualité onde-particule, qui est ce que vous avez discuté hier, notamment dans l'émission d'hier, sur le fait que en mécanique quantique, on va considérer les objets, la lumière ou les électrons, à la fois, suivant les circonstances, comme des ions, comme des particules ou comme des ondes. Et c'est cette dualité onde-corpuscule qui est au cœur de cette première révolution technologique. En fait, c'est elle qui est au cœur du transistor, de notre capacité à créer des objets qui ont des états quantifiés. D'accord, c'est en fait on peut comprendre la quantification des niveaux d'énergie par exemple d'un électron dans un atome en considérant l'analogie mathématiquement avec une corde de guitare qu'on va tenir au debout. C'est parce que on doit tenir la corde au debout qu'on va avoir seulement quelques fréquences qui vont pouvoir résonner, quelques notes qui vont pouvoir être jouées. C'est exactement mathématiquement la même chose que donne cette dualité onde-corpuscule qui dit que les électrons dans certains systèmes vont prendre des niveaux d'énergie quantifiés, d'énergie bien précise. Donc ça c'est le premier ingrédient, c'est notre capacité à comprendre les niveaux d'énergie par exemple dans les atomes, ça c'est ce qu'il y a dans les horloges atomiques par exemple, à sculpter la matière de façon à réaliser des systèmes semi-conducteur analogue dans lequel les électrons vont avoir des niveaux d'énergie quantifiés. C'est donc notre capacité à connaître et maîtriser des niveaux d'énergie quantifiés qu'on exploite à fond dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui donne lieu à l'invention du transistor, du laser, du GPS, etc., tel que le dit Alain. On va revenir justement dans le détail sur ces produits issus de cette première révolution quantique, mais pour vous faire réagir, vous aussi, Tristan Meunier, sur cet archive qu'on vient de passer, Alain Spey résume en une minute l'influence monumentale de cette première révolution quantique. Oui, oui, c'est toujours un plaisir d'entendre Alain avec sa façon de parler, qui est toujours très très très positive par rapport à la recherche et à la technologie. J'aimerais revenir sur le fait que, effectivement, comme dit Pascal, la mécanique quantique a permis de comprendre la réalité des porteurs et répondre à des questions dans la science des matériaux qui étaient fondamentales à l'époque pour comprendre pourquoi un matériau pouvait conduire du courant. Et à l'aide de cette théorie, eh bien, on a pu comprendre bien qu'un système isolant, par exemple, qui ne transmet pas le courant, est conducteur grâce à cette dualité onde-corpuscule des électrons. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on a commencé à pouvoir mettre en œuvre dans cette idée, eh bien, de nouveaux matériaux. Et c'est l'émergence des semi-conducteurs, hein, comme l'a dit Pascal, où cette fois-ci, on peut, à l'aide d'une grille, tout simplement le changer en appliquant un voltage, un potentiel sur une grille, le faire passer d'un conducteur à un isolant. Et c'est la base de ce qu'on appelle le transistor, hein, effectivement, où on peut, à l'aide d'une grille, à l'aide d'une tension, tout simplement faire passer un courant ou ne pas passer un courant. Et c'est la base du 0 et du 1 qu'on utilise dans les processeurs classiques, dans les ordinateurs classiques. Pardon, je voulais pas vous interrompre. Continuez, Tristan Meunier. Et je pense que c'est vraiment très important. Il y a pas de quantification. En fait, on essaye de comprendre juste comment fonctionne un transistor. Et comme il l'a dit, vous mettez plusieurs de ces transistors. Vous avez le 0 et le 1. Vous mettez plusieurs de ces transistors. Vous les assemblez et vous allez pouvoir commencer à les faire interagir entre eux pour faire des portes logiques. C'est les bases du calcul classique, en fait. Et ça a donné lieu à toutes. Ce à quoi il fait référence, hein. Toute l'industrie semi-conductrice, qui est aujourd'hui une industrie très florissante, qui nous permet d'avoir accès à des ordinateurs, des smartphones, des calculateurs exascale dont vous avez parlé dans certaines de vos émissions. Et cette révolution, hein, qui est en œuvre, qu'on voit tous les jours en œuvre, elle est liée à la mécanique quantique et c'est quelque chose, il le dit souvent Alain Spey, c'est quelque chose qui est mal connu, en fait. On est déjà en train d'utiliser des systèmes qui sont gouvernés par la mécanique quantique. Oui, c'est ça, c'est que la compréhension de la façon dont les électrons se déplacent dans les semi-conducteurs, c'est ce qui a permis de comprendre comment créer et optimiser les transistors, qui est la découverte qui a changé le monde. Le transistor est une des découvertes qui a changé le monde. C'est évident, hein, par la miniaturisation de l'électronique. Il faut se rappeler que le transistor, au début, c'était des objets qui faisaient la taille d'une ampoule électrique aujourd'hui. Et petit à petit, il y a eu la miniaturisation, et puis effectivement, cette capacité... en appliquant un certain nombre de contrôles, de laisser passer ou non le courant. C'est l'interrupteur 0 ou 1 de l'ordinateur classique. La lumière, les lasers, sont une autre évolution technologique absolument majeure qui sont au cœur de l'Internet aujourd'hui, au cœur des milliards d'applications, hein, que ce soit aussi de l'imagerie, des interconnexions optiques, etc. Le laser aussi est un objet, d'une certaine façon, issu de la première révolution quantique, avec cette fois-ci... originellement, une compréhension de comment les atomes émettent la lumière et une autre propriété que introduit la mécanique quantique et la physique statistique, que certaines particules aiment être ensemble et d'autres n'aiment pas être ensemble. Et dans un laser, on exploite le fait que les photons, les grains de lumière, ces particules élémentaires de lumière, quand on considère la lumière comme une particule, sont des particules qui préfèrent se mettre toutes dans le même état quantique. Un laser, c'est un système dans lequel des atomes émettent de la lumière et on a piégé cette lumière suffisamment longtemps pour que un photon appelle le suivant et de façon exponentielle, de façon très efficace, on a de plus en plus de photons dans le même émis à la même longueur d'onde. Donc vous avez ces lasers très directionnels, ils émettent tous dans la même direction et puis très monochromatiques, tous de la même couleur exactement. Donc en fait, on peut quand même dire qu'il y a à la fois l'industrie des semi-conducteurs et puis énormément d'industries de la photonique qui sont au cœur de notre univers quotidien aujourd'hui. Et l'invention du laser le 16 mai 1960, les conséquences de cette invention, c'est bon, bien mieux que les machines pour les Ricotbar, c'est surtout un outil essentiel pour la recherche fondamentale, Tristan Meunier. Et on peut aussi rappeler que le laser est aussi au cœur de cette révolution actuelle, de cette deuxième révolution quantique. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est aussi vrai pour le laser que pour la nanotechnologie. À partir du moment où on a ces deux outils, on va alimenter ce qui va se passer ensuite dans la seconde révolution. On va passer de pouvoir avoir accès à des ensembles d'éléments à des objets quantiques individuels. Et ça, c'est vraiment le laser qui va le permettre, pour la manipulation des atomes par exemple, ou la nanotechnologie où vous allez mettre au plus près des particules élémentaires que vous voulez manipuler, les électrons par exemple, ou les noyaux dans des semi-conducteurs, au plus près de ces éléments quantiques pour pouvoir les sonder et les manipuler. Et c'est ces deux choses qui sont issues de la mécanique quantique qui vont alimenter cette seconde révolution et dont on va parler dans la suite. Les semi-conducteurs, les lasers, Pascal Sénard, aussi la supraconductivité. La supraconductivité, c'est une des manifestations perceptibles à notre échelle du comportement quantique de la matière. Alors la supraconductivité, c'est des matériaux qui, sous certaines conditions, présentent aucune résistance à la propagation des courants. Donc c'est des charges qui se mettent par deux, des électrons qui se mettent par paires, et qui deviennent justement ces particules dont je parlais tout à l'heure, des particules qui souhaitent être ensemble. En fait, les électrons individuellement, c'est des particules qui n'aiment pas être ensemble, on appelle ça des fermions, et qui préfèrent ne pas partager le même état quantique. Quand vous passer en des paires de Cooper dans la supraconductivité, eh bien on change de système. Les paires de Cooper deviennent ce qu'on appelle des bosons, des particules qui aiment être ensemble et qui d'un seul coup peuvent tout être dans le même état quantique et peuvent permettre au courant de circuler sans frottement, sans résistance. Donc ces supraconducteurs ont été lancés, étudiés, alors vous avez découvert. Je suis incapable de vous donner la date, en fait. Peut-être que Tristan sait. Sont apparus assez rapidement d'un point de vue des applications comme intéressants pour s'affranchir justement de la dissipation de chaleur qui vient avec l'électronique classique. Et donc on en parlera après. C'est aussi un élément très important de la deuxième révolution quantique. Et il est les grands industriels de l'électronique, les GAFA notamment, se sont lancés sur l'ordinateur quantique à partir des matériaux supraconducteurs, justement parce qu'ils ne dissipent pas de chaleur. Et c'était ça leur première motivation, en fait, avant de s'intéresser aux propriétés quantiques qui sont permises par les propriétés supraconductrices. Pardon. Tristan Meunier. La date exacte, je pense que je l'ai pas exactement, mais c'est le début du siècle. C'est les manips de Kamerlingh-Holmes qui ont montré que la résistance s'évanouissait en fait à basse température. Et tout à fait, la supraconductivité fait partie de ces états de la matière qui ont été découverts grâce à la prise en compte de la dualité Hornung-Corpuscule pour les électrons. Et ces états qui sont effectivement qui n'ont plus de dissipation vont pouvoir créer des ondes et pouvoir faire des interféromètres avec ces ondes et ça a donné lieu à des machines bien connues qui sont les IRM, les imageries à résonance magnétique, qui sont basées sur ces principes là à l'heure actuelle et qui permettent d'être utilisées en médecine en particulier. Oui, l'IRM qui est en effet aujourd'hui incontournable dans l'imagerie médicale. Alors qu'attendre de cette seconde révolution quantique? Quelles en sont ces bases théoriques et pour quelles applications? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Pascal Sénélard et Tristan Meunier, nous parlons de ce passage à la seconde révolution quantique, une révolution qui est en train de se faire. On a vu que ces innovations technologiques, enfin on vient de voir d'ailleurs toutes les innovations technologiques de la première révolution quantique qui découlent des découvertes du début du siècle avec ce contrôle de niveau d'énergie. Parmi les applications technologiques omniprésentes dans nos vies qui sont directement issues du formalisme quantique, il y a les horloges atomiques qui servent pour les systèmes de positionnement positionnement et navigation et autres GPS. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Vous êtes allée au laboratoire Système de référence temps-espace de l'Observatoire de Paris pour découvrir comment on arrive à contrôler un phénomène quantique pour améliorer considérablement leur performance. Oui, il s'agit du spin squeezing, une forme d'intrication qui, bien maîtrisée, permettrait de contourner une limite associée au bruit quantique qui entrave l'amélioration des horloges atomiques classiques. C'est la stratégie déployée par Carlos Garrido Alzar qui travaille à partir d'atomes corrélés qui offrent justement des conditions propices. Au sein des anciennes écuries royales de l'Observatoire, il affûte cette nouvelle génération d'horloges à la performance inégalée. Une horloge, c'est un oscillateur micro-ondes qui nous permet de générer des signaux périodiques dans le temps. Et ces signaux-là, on va les comparer avec une référence très stable pour pouvoir être sûr de l'unité de temps qu'on est en train de générer. Donc dans notre cas, ces références stables, c'est les transitions atomiques qui sont une fréquence bien définie quand on utilise deux niveaux d'énergie stables. Et cette stabilité a l'âge pratiquement de l'univers. Donc, c'est-à-dire que ce sont éléments qui ont la stabilité spectrale nécessaire pour faire ce type de comparaison avec une horloge classique. On est au 14e arrondissement. Et ici, on voit toute la construction, tous les bâtiments historiques de l'Observatoire de Paris. En fait, c'est un cadre assez exceptionnel qui est actuellement l'observatoire le plus ancien encore en activité dans le monde. Oui, il était fondé par Colbert, je crois. Exactement, c'est la construction, ça date de 1600 et quelques, donc du 17e siècle. Et aussi, il y a l'autre observatoire de Meudon qui a été construit, celui-là, après celui de Paris. Dans votre cas, dans l'étude que vous avez publiée, il est question non plus de stabilité atomique, mais de corréler des atomes, parce qu'avant, on employait des atomes décorrélés avec des contraintes du bruit, et là vous avez réussi à surpasser ça. Oui, effectivement, du fait que les atomes ne sont pas corrélés, on a un bruit qui vient intrinsèquement du type de mesure qu'on utilise, le bruit de projection quantique qu'on appelle. Et ce bruit, il est originé par le fait que les atomes sont décorrélés. Et pour réduire ce niveau de bruit, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des corrélations quantiques entre les atomes, de manière à que la direction soit parfaite pour tous les atomes. Ça veut dire que tous les atomes ils vont pointer dans la même direction, avec une déviation qui est bien inférieure à la déviation d'un système dans lequel il n'existe pas de corrélation entre les atomes. C'est ce phénomène qu'on appelle le spin squeezing. Exactement, c'est le phénomène qu'on appelle le spin squeezing, dans le sens où on peut imaginer un aimant comme un spin. Un spin, on représente comme disons, une flèche qui a deux positions possibles, en pointant vers le nord ou vers le sud. Et le spin squeezing consiste à réduire ce bruit de pointage atomique en introduisant des corrélations entre les atomes. Quel est le niveau de performance atteint justement grâce à ce à l'appréhension de ce phénomène et quelles découvertes on a pu faire une fois qu'on a réussi à obtenir cet état-là. Alors, le spin squeezing, par exemple, celui qu'on a démontré ici avec notre expérience en collaboration avec l'OLKB, elle est autour de 8 dB. Donc, c'est une compression, une réduction de bruit atomique assez importante. Et à ce jour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démontré les protocoles pour générer ces compressions de bruit. Mais pour l'instant, on n'a pas encore implémenté l'horloge qui utilise ce type de protocole. Donc on est en train de travailler en ce moment pour améliorer les performances de l'horloge en utilisant un état comprimé de spin squeezing. Donc on espère qu'en utilisant un état comprimé en bruit de spin, un spin squeezing, À ce moment-là, on pourra gagner deux sortes de grandeur dans la performance et la stabilité relative des fréquences de l'horloge. C'est-à-dire qu'on passerait autour de 10-13 à 10-15 dans les hauts de 10-16. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va rentrer dans les anciennes écuries du site de l'Observatoire Royal. Oui, absolument. Les écuries, on avait les chevaux de la Poste Royale, mais qui aujourd'hui ce sont des laboratoires de physique quantique. Ça c'est la salle de l'expérience dans laquelle on fait les horloges atomiques avec des atomes froids piégés sur un micro-circuit atome. Donc un micro-circuit c'est une puce, hein, un composant microélectronique dans lequel on vient fabriquer un motif de fil qui nous permet de créer des champs magnétiques de sorte à manipuler l'état externe des atomes, c'est-à-dire que on crée des champs magnétiques qui sont pas homogènes, et de ces faits on peut générer des forces qui vont se coupler au moment magnétique de l'atome, à ces propriétés magnétiques qu'ont les atomes, de pouvoir interagir avec des champs magnétiques. De ces façons-là, on peut les piéger, par exemple, on peut les localiser dans un point de l'espace, et ensuite manipuler les atomes en utilisant, par exemple, de la lumière. Pendant combien de temps on arrive à les piéger? Parce que là aussi, il faut se rendre compte des conditions expérimentales dans lesquelles on manipule ces atomes. Oui, effectivement, nous, on utilise des systèmes à ultra-vide, avec un vide assez poussé, une enceinte dans laquelle on vient extraire toute l'air qui est contenu, donc, exactement, qui est à l'intérieur là-bas. Derrière les bâches? Exactement, oui. Et dans cette enceinte, on vient refroidir les atomes à l'aide des faisceaux laser, donc on utilise un refroidissement laser pour pouvoir préparer un état quantique bien défini pour faire l'interrogation de l'horloge. Typiquement, on peut garder les atomes quelques secondes avec les niveaux de vide qu'on a dans les expériences. Ce qui est une durée assez longue. Qui est une durée relativement longue pour pouvoir faire les mesures que nous réalisons, effectivement. L'aspect qui me motive le plus est la partie applicative, la partie application, c'est-à-dire pouvoir transcrire la physique quantique très très fondamentale dans un instrument qui va avoir un impact sociétal qui peut être assez conséquent. Je pense que quand on fait le travail qu'on fait des chercheurs, et qui est supporté par la société, par la contribution de toute la société, une partie importante est de pouvoir rétribuer cet effort en cherchant à appliquer les résultats de nos recherches, de sorte à avoir plus les conditions de vie qui sont plus favorables. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Tristan Meunier, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Ah bah c'est tout à fait sur le sujet de l'émission, hein. On est à une illustration du passage de la première révolution à la deuxième révolution dans cet extrait avec mais bon pour les gens l'horloge atomique, hein, c'est simplement ce qui nous permet de définir à l'heure actuelle le temps, hein, la référence de temps pour pouvoir calculer de manière très précise comment synchroniser des différentes appareils, et on l'utilise en particulier avec les GPS, hein. Vous savez qu'on arrive à localiser maintenant avec des GPS à mieux d'un mètre votre position sur Terre. Et ici, il vous explique que typiquement le bruit que vous avez sur ces systèmes, eh bien, c'est ce qui va limiter cette précision. Et au départ, en première révolution, vous utilisez les atomes, le fait qu'ils étaient bien discrets, que vous interrogez ces atomes, et là. La manipulation des atomes que vous allez réaliser pour pouvoir les corréler va générer quelque chose qui va diminuer le bruit et augmenter la précision de l'horloge atomique, donc augmenter notre capacité à pouvoir synchroniser tous les appareils qu'on utilise pour la géolocalisation ou les appareils de laboratoire. Donc c'est très intéressant et c'est tout à fait à la transition de ce qu'on veut expliquer ici entre la première révolution et la deuxième révolution. Pascal Sénélard, une réaction? Je voyais que le spin squeezing vous faisait réagir. Oui, alors le spin squeezing, c'est un mot hyper technique, hein, que je voudrais essayer d'illustrer si possible. Alors pas en spin squeezing, mais le mot squeezing. Alors c'est, comme Tristan vient de le rappeler, il y a un bruit fondamental quand on fait une mesure en mécanique quantique. Et je vais prendre l'exemple de la lumière, par exemple. Si on prend une onde, vous imaginez un système qui va osciller dans le temps et dans l'espace. Vous avez deux grandeurs qui caractérisent cette onde, l'amplitude de l'oscillation, hein, le minimum et le maximum, et puis à quel moment ça va être maximum et minimum. On appelle ça la phase. Donc il y a l'amplitude et la phase de l'onde. Et en mécanique quantique, on vous dit, on apprend qu'en fait, on va avoir des fluctuations fondamentales sur les deux quantités. On va avoir une incertitude sur l'amplitude et avoir une incertitude sur la phase. Et c'est irréductible. On va avoir une combinaison d'incertitudes sur les deux, mais on peut faire en sorte, dans la deuxième révolution quantique, de réduire très fortement une des incertitudes, par exemple la phase, hein, à quel moment je vais avoir le minimum ou le maximum, au prix de payer une beaucoup plus grande incertitude sur l'amplitude. Mais si je fais une mesure, si je fais une mesure d'interférence, par exemple, qui est très sensible à la phase, eh bien, j'ai gagné, parce que j'ai gagné en précision, j'ai réduit énormément le bruit intrinsèque sur la phase. Voilà, c'est ça le mot squeezing qui est utilisé ici dans les horloges atomiques. Je voulais faire un petit clin d'œil. Ça a été utilisé par exemple pour la détection des ondes gravitationnelles, où on a utilisé ce qu'on appelle de la lumière squeezée pour gagner en sensibilité et avoir des capteurs d'ondes gravitationnelles beaucoup plus sensibles. Et là, vous voyez que dans les applications de la deuxième révolution quantique, on va aller vers des applications peut-être industrielles, technologiques, mais aussi des révolutions vers d'autres domaine de la science. Mais c'est ça qui est très excitant. Alors cette deuxième révolution quantique, justement, qu'est-ce qu'elle inclut? C'est vraiment les applications concrètes de l'intrication quantique. Et l'intrication quantique, c'est l'un des phénomènes les plus intrigants de la physique. Schrödinger invente l'idée de l'intrication avec le chat, ce paradoxe célèbre. Pascal Sénélar, on est passé sur cette idée-là un peu vite dans l'émission d'hier. Est-ce que je peux vous demander justement de nous éclairer sur ce qu'est l'intrication? Alors en fait, pour moi, le chat... c'est plutôt la superposition quantique. Le chat peut être mort et vivant à la fois. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir avoir une particule, par exemple si on imagine un photon, un grain de lumière qui va pouvoir passer sur une fibre optique à droite ou à gauche en même temps, et la mécanique quantique vous dit que tant que vous ne cherchez pas à savoir par où le photon est passé, eh bien vous avez une chance de le mesurer des deux côtés à la fois. L'intrication, c'est en fait une généralisation, de mon point de vue, de ce phénomène de superposition où on parle maintenant de deux particules, par exemple. Donc, je vais prendre une illustration très classique pour bien comprendre. Prenons une pièce de monnaie, pile ou face, elle peut tomber sur pile ou face. La superposition quantique vous dit que vous pouvez l'avoir dans une superposition de pile et de face. L'intrication vous dit que je peux créer un état quantique de ces deux pièces de monnaie qui fait que si je lance ces deux pièces, elles vont forcément toutes les deux tomber sur le côté pile ou forcément tomber toutes les deux sur le côté face. Je ne sais pas ce qui va se passer, ça sera soit toutes les deux pile, soit toutes les deux face, mais forcément du même côté. Et en fait, ce qui devient même quantique, c'est qu'elles peuvent même tomber toutes les deux sur la tranche, mais exactement de la même façon. Donc l'intrication décrit une situation de la mécanique quantique où on a deux objets quantiques au destin lié, d'une certaine façon. Et ça, on peut l'utiliser, par exemple, pour réaliser des communications sécurisées par les lois de la mécanique quantique. On reviendra justement sur les applications. Tristan Meunier, pour nous éclairer justement sur ce phénomène étrange de l'intrication quantique. Je pense que les corrélations, on l'utilise un certain nombre de fois dans des expériences quand on veut faire interagir deux particules. Alors Pascal l'a très bien illustré sur le problème de la corrélation. Et ce qui a été démontré ensuite, c'est que ces corrélations qui sont créées quand vous faites interagir deux systèmes quantiques, eh bien n'ont pas d'équivalent classique. Hein, ça c'est les fameuses expériences d'Alain Aspect qui ont été faites et refaites avec différentes particules quantiques et qui vous montrent que fondamentalement les corrélations qui sont présentes et qui sont quantiques dans ces systèmes n'ont pas d'équivalent au niveau classique. Et c'est ça qui en fait la particularité et qu'on va utiliser ensuite une fois qu'on est sorti de cette interrogation sur ce que ça veut dire. En fait, on va l'utiliser. C'est ça la seconde révolution, c'est d'utiliser ces propriétés d'étrangeté pour pouvoir les utiliser en application. Oui, c'est ça, c'est que l'expérience d'Alain Aspect en 1982, la fameuse expérience d'Orsay, montre que si on fabrique deux photons dans un état intriqué, qu'on les sépare et qu'on mesure la polarisation de l'un, ça détermine automatiquement, immédiatement la polarisation de l'autre, et ce, quelle que soit la distance qui les sépare. Ça, c'est donc l'expérience qui a valu à Alain Aspect son prix Nobel en 2022, et c'est ça qui marque donc le passage de cette deuxième révolution quantique. Mais pour compléter ce que vous dites, Tristan Meunier, cette deuxième révolution, ça va donc d'être exploiter l'intrication, mais pour exploiter l'intrication, il faut aussi développer des techniques expérimentales qui permettent de contrôler les objets quantiques un par un, individuellement. Tout à fait. On revient sur ce qu'on avait discuté auparavant, sur l'émergence des nanotechnologies, des lasers qui nous permettent effectivement, eh bien, non seulement de contrôler la lumière avec les expériences qui sont les premières expériences d'Alain Aspect sur ces photons uniques, et ensuite de pouvoir, tout au cours de l'histoire hein, de la genèse en fait de ces manipulations quantiques, j'ai fait pour préparer cette émission, j'ai fait un petit texte historique. Hein, première démonstration de la manipulation d'un atome, ça a été fait aussi bien aux États-Unis qu'en France, au laboratoire Kessler-Brossel, avec les travaux de Serge Haroche, qui ont été aussi récompensés par un prix Nobel. Les premières manipulations d'objets quantiques dans des solides, c'était 1998 avec des qubits supra, on y reviendra. Et les premières manipulations dans des semi-conducteurs, c'est 2005. Donc vous voyez, il y a toute une espèce de vagues qui se mettent en place pour pouvoir manipuler ces objets quantiques individuels à l'aide des nanotechnologies, à l'aide des lasers qui ont été développés pendant la première révolution. Pascal Sénélar, même Schrödinger pensait que ce ne serait pas possible, qu'on ne pourrait observer que les propriétés collectives d'un ensemble d'objets quantiques. Oui, alors dans la liste des particules individuelles, je vais rajouter le photon, la liste de Tristan, les premières expériences d'Alain Aspect ont été faites sur des ensembles d'atomes qui émettaient des ensembles de photons, mais ils avaient trouvé une technique pour n'en regarder qu'un à la fois, d'une certaine façon. Depuis, alors c'est dans les mêmes années, début des années 2000, on est capable de générer et de manipuler des photons un par un. Donc on est vraiment entré dans l'ère, quel que soit le domaine qu'on regarde, que ce soit les supraconducteurs, les semi-conducteurs, les atomes, les photons, toutes ces particules qu'on peut, et tous ces systèmes quantiques, parce que c'est plus que des particules individuelles, c'est des systèmes quantiques qui se comportent comme des systèmes quantiques individuels. On les manipule maintenant quotidiennement dans les laboratoires et maintenant même dans les start-up pour essayer d'exploiter ces phénomènes de superposition et d'intrication pour faire de nouvelles fonctions. Et on est vraiment dans cette ère-là, quotidienne. Tristan Meunier, donc, il y a donc ces objets quantiques individuels naturels, électrons, atomes, ions, photons, mais il y a aussi des objets quantiques individuels artificiels, et l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de réussir à créer ces objets quantiques individuels artificiels. Oui, tout à fait. Donc là, vous êtes au cœur du sujet. En fait, historiquement, c'est vrai que les physiciens sont allés au plus simple. En fait, les photons, c'était des choses qui étaient assez simples à isoler de l'environnement. Si on prend un peu de recul par rapport à ça, j'aimerais bien avoir l'avis de Pascal sur la question. Mais ensuite, c'est vrai que les premières manipulations de quantique sur des atomes ont été faites par rapport à des choses. Serge Haroche a l'habitude de dire que les atomes sont donnés par la nature. En fait, on peut pas les changer. C'est des atomes. C'est des choses qui sont fixées, leur fréquence caractéristique est fixée par Dieu, si on ose le dire. Mais ensuite, et donc toute cette la caractéristique des atomes, c'est tout simplement d'avoir des états d'énergie bien séparés, d'accord. Et mais ça, c'est pas du tout seulement le cas pour les atomes. On peut faire des atomes artificiels en réalisant dans des semi-conducteurs, dans des supraconducteurs, des systèmes qui ont cette quantification d'énergie. D'accord. Et une fois que vous avez ces niveaux, en fait, vous allez pouvoir définir un niveau fondamental et un niveau excité, ce qui va être les bases d'un bit quantique, en fait. Et c'est sur ces états de niveau sur lesquels vous allez pouvoir faire des manipulations. Et donc, on peut aussi bien manipuler des atomes que des atomes artificiels dans des matériaux. Et ce que ça ouvre derrière, c'est de pouvoir tout simplement, à l'aide de ces matériaux, bénéficier de toute la technologie pour pouvoir les multiplier à volonté de manière contrôlée, comme on le fait, en fait, on a nos fabrications dans l'industrie semi-conductrice, par exemple. Où en est-on de cette deuxième révolution? On en parle après cette interlude musicale pour laser. Tender. Light Generator, Laser Beam en direct sur France Culture, car nous parlons de la première et de la seconde révolution quantique avec nos deux invités du jour, Pascale Sénélard, directrice de recherche CNRS au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie, cofondatrice et conseillère scientifique de la start-up Candela et membre de l'Académie des Sciences, et avec Tristan Meunier, physicien, chercheur CNRS dans l'équipe Circuits électroniques quantiques à l'Institut Nel à Grenoble, directeur technologique et cofondateur de la start-up Qobly. Nous venons de parler des innovations et des prouesses technologiques spectaculaires de cette première révolution quantique. Si la première révolution s'appuie sur le concept de dualité onde-particule, la deuxième, elle, est basée sur l'intrication quantique. Alors, des photons intriqués, ça peut servir à quelque chose. Historiquement, la première application à laquelle on a pensé, c'est la cryptographie quantique. En 1992, Arthur Eckert propose d'utiliser des photons intriqués pour transmettre des messages de façon absolument sûre. Pascale Sénélard, quel est le principe de la cryptographie quantique si on prend Alice et Bob, les figures classiques en cryptologie? Alors, prenons Alice et Bob, donc deux personnes qui veulent échanger une clé d'encryption, comme on a développé dans différentes situations pour protéger la confidentialité de l'information. Et on met au milieu une source de lumière qui va émettre des photons par paire. On va émettre les photons par deux. Et ces photons vont être dans un état exactement comme ce que je décrivais tout à l'heure avec mes pièces de monnaie, de manière très basique. On va maintenant parler de deux photons. Alors, on peut utiliser la polarisation de la lumière ou leur couleur, par exemple, pour encoder l'information. Et on va placer ces deux photons dans un état quantique où, eh bien, si j'envoie les deux photons, l'un à Alice et l'autre à Bob, et que ils font chacun une mesure. Si Alice mesure le photon, par exemple, étant rouge, Bob détectera ce photon forcément rouge. Et si Alice le mesure bleu, Bob le mesurera forcément bleu. Et on a créé cet état qui est tous les deux rouges et tous les deux bleus à la fois. Pourquoi ça me permet de garantir la sécurité des communications? Eh bien, c'est parce que la personne au milieu qui génère les photons a juste créé ces photons dans un état particulier et que le résultat de la mesure d'Alice et de Bob, on n'est pas capable de le prédire à l'avance. Ça sera tous les deux bleus ou tous les deux rouges. Je ne peux pas dire. Ça pourrait même être tous les deux verts, si je continue mon analogie. Mais moi, au milieu, qui ai juste donné un canal de communication, je ne peux pas savoir quelle information ils ont partagée. Voilà, ça c'est un des principes simplifiés de la cryptographie qui exploite l'intrication. Et c'est pour ça que les mesures d'Alain Aspect qui montraient qu'il n'y avait pas de variable cachée qui ne permet pas d'accéder à cette information avant que la mesure ait lieu, eh bien, personne ne peut prévoir et personne ne peut donc espionner. Oui, c'est ça, Tristan Meunier, c'est que pendant la propagation des photons intriqués, l'espion n'a rien à espionner. Si l'espion espionne, on sait immédiatement qu'il a espionné. C'est le principe, hein. C'est le principe que vous allez perturber au cours du temps. Si jamais l'espion effectivement aussi regarde ce qui se passe, il va aussi perturber ce qui se passe. Hein, si je me rappelle bien du concept de cryptographie quantique, et c'est cette perturbation qui va donner des informations aussi à Alice et Bob, qui va fondamentalement lui permettre de savoir ce qu'elle a été, la liaison a été corrompue. Alors, comme on l'a vu après les expériences d'Aspect, on sait aujourd'hui qu'on peut faire de la cryptographie quantique à 1200 km de distance avec un satellite qui joue la source d'envoi des photons intriqués vers deux endroits terrestres, séparés par cette distance. La cryptographie quantique aujourd'hui, c'est un enjeu majeur en diplomatie, dans la finance, les affaires militaires. Autre application, Pascale Sénélard, c'est la téléportation quantique. Et ça, c'est pas du fantasme. Oh, la téléportation quantique. En fait, la téléportation quantique, c'est vraiment un protocole très particulier. Et qu'il faut vraiment, alors je profite du fait qu'on en parle pour bien dire que c'est pas Star Trek, hein. C'est pas, on ne transporte pas des personnes d'un point à l'autre de la Terre. On va transporter de l'information, en fait. Et donc là, on va rajouter un photon de plus. Et on va mettre une paire de photons. On va envoyer transporter l'information d'un point A vers un point C. En faisant des mesures quantiques. Voilà, donc on va pouvoir téléporter de l'information sur des plus grandes distances. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose de plus dans la téléportation qu'il n'y a dans l'intrication. Il y a en plus des portes logiques. Il commence à y avoir des portes logiques quantiques. Tristan Meunier ? Oh bah oui, ce protocole de téléportation, il est utilisé dans la communication quantique, mais aussi dans les calculateurs quantiques sur lesquels on peut avoir. C'est ce qui permet de transmettre un état d'un endroit d'un endroit à un autre de manière fidèle. Et pour cela, et comme a dit Pascal, on a besoin d'un canal quantique et d'un canal classique, mais c'est des protocoles qui sont très particuliers et qui sont utilisés de manière extensive dans la seconde révolution, oui. Alors on en vient évidemment à l'ordinateur quantique, on en entend beaucoup parler avec ce fantasme de la prochaine révolution informatique. Là, pour bien comprendre Tristan Meunier, la superposition, l'intrication, c'est le socle de ce que serait un ordinateur quantique si on arrive à générer ces fameux qubits si difficiles à générer. Alors tout à fait. Hein. Donc pour comprendre l'apport de l'ordinateur quantique, hein, j'aime bien me référer à cette image du labyrinthe, hein, qui permet de comprendre que dans un labyrinthe, vous avez plusieurs façons de traverser le labyrinthe, vous avez plusieurs chemins possibles, il y en a qu'un seul qui va pouvoir vous permettre d'aller à la sortie. Et un ordinateur classique, fondamentalement, ça va explorer ces possibilités de manière séquentielle. D'accord, les unes après les autres, et ça va prendre un certain temps. Ce que permet l'ordinateur quantique, c'est de pouvoir mettre ces différents chemins en superposition, hein, donc c'est vraiment la particularité de la mécanique quantique qui permet ça, et de les explorer en même temps, hein, c'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique. Donc c'est cet apport de la mécanique quantique qui permet de comprendre pourquoi ces machines, le concept de la mécanique quantique, d'intrication, de superposition, va nous permettre effectivement de calculer plus rapidement que nos machines. Et c'est ça l'enjeu et les promesses du calculateur quantique. Oui, au départ dans les années 80-85, l'idée qui émerge, c'est que si on pouvait intriquer une centaine de bits quantiques, on aurait une possibilité mathématique gigantesque, Pascal Sénélar, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a une capacité de calcul augmenter de manière incroyable. Et puis, il y a une particularité. Alors, je veux revenir sur la particularité en utilisant l'image du labyrinthe que Tristan a utilisé. La grande différence avec l'ordinateur quantique, c'est qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas vérifier en cours du calcul par quel chemin il est passé. Il va résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interroger l'ordinateur qui est en train d'explorer tous les chemins en même temps, parce que si on lui demande quel chemin es-tu en train d'explorer, ben, il va être en train d'en explorer un seul. C'est ça cette superposition et c'est ça cette nature très particulière. Donc puisqu'on peut explorer tous les chemins en même temps, on peut aller beaucoup plus vite, mais on va devoir complètement repenser la façon de faire le calcul, l'architecture de calcul, puisqu'on ne peut pas l'interroger au cours de ce calcul. Alors en exploitant ce parallélisme, on peut envisager de faire des calculs beaucoup plus efficaces qu'avec un ordinateur classique, en utilisant par exemple ces chemins multiples, et puis en utilisant la mesure pour trouver finalement le résultat du calcul quantique. Alors je peux prendre un exemple, si vous voulez montrer un exemple de calcul accéléré. Dans la start-up Candela, on a fait un tout petit calculateur quantique avec 6 photons, c'est rien du tout. Hein. Mais avec 6 photons, on a fait un calcul d'apprentissage automatique, de reconnaissance d'image, avec 3 photons même, on a utilisé seulement. Et quand on fait le pendant classique, avec ces 3 photons, ces 3 grains de lumière, on a fait un calcul aussi efficace qu'avec un réseau de 1000 neurones classiques. Vous voyez l'échelle. C'est pour ça qu'avec 100, on se dit qu'on pourrait faire des choses de très très puissantes, c'est exponentiellement plus efficace. Oui, c'est ça, c'est que le questionnement fondateur de l'ordinateur quantique, c'est qu'il pourrait résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec un ordinateur classique, Tristan Meunier. Alors ça, il faut qu'on, enfin, je pense qu'avec Pascal, on va mettre des limites à ce genre faut mettre des limites à ce genre d'affirmation. Ouais, d'affirmation, parce que tout simplement, c'est pas du tout comme a dit Pascal, le fonctionnement d'un ordinateur quantique est différent d'un ordinateur classique. Donc les algorithmes et les questions qu'on va poser vont être formulées d'une manière différente. Donc vous n'allez pas remplacer en fait l'ordinateur classique. Vous allez vous concentrer sur certains problèmes qui sont spécifiques au fonctionnement de la machine quantique. Hein, donc c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Et ça a été, c'est vraiment très très important, une date très importante, hein, 1995, ça a été l'élaboration du premier algorithme, hein, par Peter Shor, l'algorithme de Shor, qui était censé résoudre la factorisation des nombres premiers de manière beaucoup plus rapide, hein, exponentiellement plus rapide, avec un ordinateur quantique qui a lancé cet intérêt pour l'ordinateur quantique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, depuis, il y a de nombreux algorithmes algorithmes qui sont mis à disposition, qui sont répertoriés. Je pourrais mettre pour les auditeurs, il y a un site qui est le Quantum Zoo, si je ne me trompe pas, qui vous permet de savoir tous les algorithmes basés sur les principes de la mécanique quantique qui pourraient répondre à des problèmes algorithmiques plus rapidement qu'un ordinateur classique. Pascal Sénélard, les premiers ordinateurs quantiques existent déjà, il y a des annonces de certaines compagnies avec des centaines, voire des milliers de qubits, mais ça n'est pas suffisant. Ah, ce n'est pas suffisant. Suffisant pourquoi? Ce n'est pas suffisant, effectivement, pour avoir des machines qui permettent de faire des calculs aujourd'hui très intéressants ou avec des applications bien identifiées. Par exemple, l'algorithme de Shor, il faudrait des millions de qubits pour le faire. Là où ça commence à être intéressant, c'est qu'on peut commencer à trouver des petits algorithmes. Alors peut-être qu'il faut un millier de qubits qui pourraient résoudre, par exemple, des équations différentielles de manière plus rapide ou plus efficace que l'analogue classique. Donc ce n'est pas suffisant, évidemment, parce que c'est l'état actuel de fonctionnement. C'est un petit peu comme si on regardait la préhistoire de l'ordinateur actuel et qu'on se rappelait qu'au début, il y avait quelques transistors, puis quelques centaines, puis quelques milliers, etc. On est dans cette phase avec des machines qui occupent des pièces entières, qui sont opérées par des spécialistes, etc., etc. Donc ce n'est pas suffisant, mais il y a vraiment une progression technologique importante. Comme on l'a dit avec Tristan, comme c'est un fonctionnement absolument différent, c'est largement suffisant pour qu'on commence à comprendre et à apprendre à les utiliser. Parce que on est des physiciens aujourd'hui avec vous, mais l'ordinateur quantique, c'est quand même une affaire d'informaticiens. Et pour que ces informaticiens apprennent et se saisissent du potentiel de cette nouvelle machine, eh bien, il faut commencer. Et quelques qubits et quelques dizaines et quelques centaines, c'est déjà très très bien pour qu'on commence à apprendre à programmer, utiliser, optimiser, faire des algorithmes qui sont adaptés à cette machine. Tristan Meunier, pour réagir à ce que vient de dire Pascal Sénélard. Alors, j'adhère complètement à ce qu'a dit Pascal sur le fait qu'il faut qu'on appréhende ces machines complètement. Votre réflexion, Natacha, c'était plus sur combien on a besoin de qubits pour que ce soit intéressant, en fait. C'est ça qui est derrière. À partir de quand les ordinateurs quantiques peuvent-ils commencer à être utiles? Voilà. La définition d'utilité. Et la définition d'utilité, elle est assez bien identifiée pour nous qui travaillons dans ce domaine-là, parce que c'est notre cible, en fait, c'est l'ordinateur classique, en fait. C'est ce que peut faire l'ordinateur classique. Et c'est à ça qu'on se compare, en fait, à l'heure actuelle. Et l'un des points importants qui va mettre une nouvelle lumière sur ce que vous dites, Natacha, c'est que fondamentalement les concepts, pourquoi un ordinateur classique marche si bien, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les corrections d'erreur. Donc ça veut dire que s'il y a une erreur, vous allez encrypter l'information dans plusieurs bits à la fois pour pouvoir si bien que s'il y a une erreur sur un bit, si les autres sont pas affectés, vous allez pouvoir avoir l'information quand même. Donc ce principe de correction d'erreur, en fait, en quantique a un équivalent. Il est plus compliqué parce que la mécanique quantique est particulière. Et pour ce principe, pour encoder l'information de manière redondante, ça a un coût en termes de nombre de qubits, en fait, dont vous avez besoin pour pouvoir accéder à des problèmes intéressants. Pascal mentionnait la centaine, voire le millier de qubits. Vous allez devoir avoir, pour 1000 qubits intéressants, peut-être en avoir besoin d'avoir 1 million pour pouvoir encoder cette information grâce au code correcteur d'erreur. Et c'est ça le gros challenge vertigineux qui est devant nous avec l'ordinateur quantique, c'est qu'on va devoir essayer de contrôler potentiellement des centaines de milliers, des millions d'objets quantiques individuels à l'échelle individuelle et de garder leur caractère quantique pour pouvoir réaliser un ordinateur quantique. Donc des questions fondamentales, comment préserver la cohérence, leur caractère quantique à ces échelles, et des challenges aussi technologiques, comment contrôler ces objets de manière individuelle à ces échelles. C'est ça qui est devant nous et c'est ça à ce à quoi on doit répondre dans les prochaines années. Alors imaginons, on a 1 million de qubits fonctionnels. Ça pourrait faire progresser donc la recherche dans de nombreux domaines. Quels sont les domaines justement d'application de l'ordinateur quantique, Pascal Sénélard? En fait, pour l'instant, ce qu'on envisage, c'est que l'application, c'est tout le domaine du calcul haute performance. C'est ce qu'on fait actuellement avec des énormes machines de calcul, les supercalculateurs. Donc, par exemple, c'est l'étude de résistance de matériaux pour des centrales nucléaires, ou c'est l'optimisation de molécules en pharmacie ou en chimie. C'est tous ces calculs qui sont extrêmement gourmands et en fait qui concernent énormément d'industriels. C'est là que la notion d'utilité en fait est intéressante, parce que à partir de quel moment on va être capable de faire ces calculs-là, on est en fait comme c'est un long trajet, on doit se poser en tant que communauté des jalons pour essayer d'avoir des premières réponses, même si c'est avec des qubits imparfaits, sans correction d'erreur, etc., pour qu'on commence à apporter quelques solutions, même partielles, même très spécialisées à certains sujets. Alors, dans une interview de Alain Aspect, encore lui, oui. Alain Aspect déclare « La seconde révolution quantique conduira à des applications inédites ». On continue justement d'en parler. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. Direct sur France Culture. Où en est-on de cette deuxième révolution quantique? C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour, Pascal Sénélard et Tristan Meunier. Nous venons de parler de l'ordinateur quantique, qui représente beaucoup d'engouement et de fantasmes. L'Europe a mis plusieurs milliards sur la table en 2021, la France met en place un grand plan quantique avec un engagement public-privé de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. Autre chose dont on n'a pas encore parlé, Tristan Meunier, c'est le simulateur quantique. En quoi justement on peut dire, en quoi consiste la simulation quantique ? Alors, la simulation quantique, pour moi, ça fait partie des calculateurs quantiques, tout simplement parce que c'est quelque chose qui cherche à reproduire, à simuler la matière quantique. Et à l'heure actuelle, il faut bien prendre conscience qu'une molécule, une grosse molécule, qui a une centaine d'électrons et une centaine d'orbitales, eh bien, on va pas pouvoir la simuler de manière, avec un ordinateur classique. C'est trop gourmand en termes de calcul. Même les calculateurs de haute performance ne permettent pas de faire ce genre de calcul. Et c'est l'idée de Richard Feynman en 1982 d'utiliser des machines quantiques, des simulateurs quantiques, pour pouvoir en quelque sorte ingénierer ces interactions qui ont lieu dans ces molécules, dans ces grosses molécules, pour pouvoir interroger la machine quantique et pour pouvoir comprendre quelles sont ses propriétés au départ, et ensuite essayer de mettre en avant des nouvelles propriétés chimiques, médicales ou de matériaux, comme a été mentionné par Pascal. Donc c'est vraiment cette idée de pouvoir reproduire, grâce à une machine quantique, les propriétés de matériaux, de molécules qui sont inaccessibles par le calcul classique. Pascal Sénélard. Oui, alors est-ce que on peut essayer de donner un tout petit peu plus d'explications sur comment on fait ça? Parce qu'en fait, dans les molécules que Tristan décrit, les atomes sont près les uns des autres, et en fait, ils sont liés dans leur structure chimique telle qu'ils existent. Et les électrons sont près les uns des autres, et les interactions, on ne peut pas les annuler, elles sont là. Donc les ordinateurs quantiques, type simulateur quantique, notamment la start-up Pascal, dont Alain Aspect est cofondateur, qui est porté scientifiquement par Antoine Brouwer, par exemple, utilisent des atomes aussi. Mais les atomes, en fait, ils vont être à des grandes distances les uns des autres. Alors, grande distance, c'est-à-dire en gros 1000 fois la distance normale d'interaction des électrons. Et donc, les atomes sont loin les uns des autres, ils les mettent dans une forme qui va ressembler à la forme de la molécule, par exemple, qu'ils veulent étudier. Et puis, ensuite, ils vont utiliser, par exemple, des lasers pour mettre ces atomes dans des états quantiques où l'électron va être très très loin du noyau, très très loin, tellement loin qu'il va voir l'électron de l'autre atome qui est à côté. Donc, on va pouvoir comme ça avoir des interactions qu'on va allumer ou éteindre à volonté avec un laser. Et donc c'est ça, simulateur, c'est je vais créer un réseau d'atomes, par exemple, et dans lequel il n'y a pas d'interaction, et puis je vais allumer et éteindre les interactions pour calculer les états de cette molécule que je ne suis pas capable de calculer avec un ordinateur au sens équation, 0, 1, et chiffres, etc. Voilà, on vient de balayer pendant toute cette heure de larges applications qu'impose, enfin qu'invite cette seconde révolution quantique. On arrive à la toute fin de cette émission, Pascal Sénélar. On peut aussi se dire qu'en fait, de toutes les applications possibles avec cette mécanique, enfin cette deuxième révolution quantique, en fait, on n'a pas idée de tout ce qui est possible. Non, alors ça c'est absolument évident et il faut regarder juste en arrière dans l'histoire, au début du transistor qui a été inventé. Donc dans les années 1940, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait en faire. Et finalement, la première application, ça a été une petite radio, d'accord, un émetteur radio. Le laser, quand il a été inventé dans un laboratoire, personne n'aurait pensé ce que vous avez dit tout à l'heure, que ça servait à lire des codes-barres dans les supermarchés. Honnêtement, hein, c'était pas possible. Donc on est au début d'une histoire. Ce dont on peut témoigner en tant que scientifique, c'est qu'il y a énormément de progrès scientifiques et qu'on est en mauvaise position pour prédire toutes les révolutions que ça peut engendrer. Dans quelques instants, on parle de complètement autre chose avec la chronique Avec Science. Mais merci Tristan Meunier, merci Pascal Sénélar. Il est temps de retrouver Pierre Ropert. Faut-il changer la classification des cancers ? C'est la chronique Avec Science. À l'heure actuelle, on catégorise les cancers en fonction de l'endroit où est apparue la tumeur dans le corps. On parle donc très logiquement de cancer du foie, des poumons, du sein ou encore du côlon, etc. Cette classification nous vient de la façon dont on traitait les cancers au XXe siècle. La chirurgie et la radiothérapie se concentrent sur l'organe où se trouvait la tumeur. Or, dans un article publié mercredi dernier dans la revue Nature, des chercheurs de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif soulignent le décalage entre cette classification et les nouveaux traitements mis au point par l'oncologie. En fait, dans le cas de cancers métastatiques, c'est-à-dire des cancers qui envahissent d'autres organes, on ne s'attaque plus à une zone particulière. Aujourd'hui, les traitements médicaux ciblent un mécanisme biologique ou une protéine. D'après les auteurs de l'étude, cette classification devrait donc être établie selon les marqueurs moléculaires des cellules cancéreuses. En réalité, un même organe peut être concerné par une multitude de cancers avec des tumeurs qui n'ont pas le même profil biologique. Selon l'oncologue Fabrice André, directeur de la recherche de l'Institut Gustave Roussy et co-auteur de cette étude, désigner ces maladies différemment permettrait donc de mieux accompagner les patients. Si on prend l'exemple des patientes qui ont un cancer du sein avec des métastases, c'est-à-dire un cancer qui a envahi d'autres organes, certaines patientes vont avoir une surexpression d'une protéine qui s'appelle HER2. D'autres patientes vont avoir une mutation d'un gène qui s'appelle BRCA. Pourquoi on cite cet exemple ? Parce que la mutation du gène, donc BRCA, peut aussi être responsable d'un certain nombre de cancers de l'ovaire, de prostate ou d'un certain nombre de cancers du pancréas. Ensuite, pour l'autre exemple HER2, cette anomalie est également présente dans certains cancers de l'estomac ou dans d'autres cancers d'autres organes. Donc, ces deux patientes, si elles se rencontrent, elles vont dire « mais c'est bizarre, on a la même maladie, mais on a des traitements complètement différents. Un médecin n'a pas mis le bon traitement. » Et de là découle quand même perte de confiance, incompréhension. Et ça, en fait, ce sont des éléments extrêmement importants dans l'acceptation de la maladie et dans comment on s'engage dans le parcours de soins. Paradoxalement, employer des termes tels que « cancer par mutation EGFR » ou « cancer par fusion du gène NTRK » pourrait bien simplifier la vie du patient. En classant les cancers par la biologie et non plus par l'anatomie, les auteurs de l'étude estiment qu'à terme, pour chaque cancer, sera pris en compte non plus l'organe, mais 3, 4 ou 5 marqueurs moléculaires. Chaque patient aura donc un profil unique et un traitement en théorie mieux adapté. L'autre apport d'un changement de classification, selon Fabrice André, pourrait bien être une accélération du développement des médicaments. Pour développer un médicament aujourd'hui, il faut tester l'efficacité de ce médicament dans chaque maladie définie par l'organe d'origine. Aujourd'hui, pour démontrer le bénéfice d'un médicament, vous devez d'abord le tester dans un cancer donné, puis dans un autre cancer donné, puis dans un autre cancer donné. Si demain vous dites il y a une anomalie moléculaire qui définit la sensibilité au médicament indépendamment de l'organe d'origine, alors le nombre d'études cliniques à faire est beaucoup plus restreint et donc ce qu'on appelle le développement du médicament est accéléré de façon importante. Donc on n'est pas en train de dire du jour au lendemain, tout doit changer. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les progrès de la médecine et des médicaments étant ce qu'ils sont en oncologie, il est important d'avoir des classifications adaptées à ce que font les médicaments, c'est-à-dire cibler les mécanismes biologiques. Par exemple, en 2014, un traitement efficace contre les cancers ovariens a été autorisé. Il concernait des mutations dites BRCA, que l'on retrouvait également sur d'autres types de cancers. Mais il a pourtant fallu attendre 4 ans de plus pour une autorisation de ce même traitement pour le cancer du sein, puis encore 2 années supplémentaires en 2020 pour le cancer de la prostate. Un classement par marqueur moléculaire des cellules cancéreuses permettra sans doute à l'avenir d'accélérer les processus d'autorisation. Aujourd'hui, plusieurs instituts de recherche sur le cancer ont déjà commencé à créer des équipes qui s'organisent non plus autour d'un organe, mais autour de l'analyse des profils moléculaires des patients. Selon Fabrice André, la volonté de classer par la biologie est une tendance de plus en plus naturelle dans la communauté de l'oncologie médicale, mais de son propre aveu, le débat prendra encore du temps, d'ici à ce que les autorités de santé publique s'en emparent. Merci Pierre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à Pierre venu à Pardon, à France Bleu Grenoble et merci à toute l'équipe de la science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Votre cerveau ». Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui. Madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît ? La main ? Qu'est-ce que c'est ? Votre cerveau, saison 5, réalisé par Louise André sur franceculture.fr et l'appli Radio France.